y a plus soleil quand je me réveille. Matin, chagrin, quand j'ai le mal de toi. Casser la nuit, le jour aussi. Plus fin, pas bien, quand j'ai le mal de toi. Quand j'ai le mal de toi, je raconte n'importe quoi. Que tu ne me manques pas, que je t'attends pas. Donne moins froid, parfum qui revient quand j'ai le mal de toi. T'écrire une lettre, partir peut-être, mourir c'est rien quand j'ai le mal de toi. Mais quand j'ai le mal de toi, je raconte n'importe quoi. Ne manque pas.